Crache pas dans la soupe, remercie la poisse. Pardon maman si je t'ai menti les yeux rouges. L'ingratitude, c'est l'humanité. C'est manger du cheval et chevaucher des deux roues. Pour saisir ta chance à lâcher tes poteaux. Devant l'OPJ, je fais des blagues de toto. L'architecte a dessiné la tôle comme une boîte de petit beurre, comme une boîte de chocolat. Pour finir à 100% ma taille, je récupérais mes larmes avec le bout de ma gueule. Hein. Je propose plus de rouler, je les trouve un peu lents. J'attends la mort, ils attendent jour de l'an. Le temps j'avais donc le temps j'ai pris. J'appuie fort sur mes plaies quand j'écris. L'ami de mon ami n'est qu'un contact. Poignée de ma molle avec grand mépris. Les larmes aux yeux tard la moutarde. J'préférais la ceinture que la morale tout calme. Une barre de vis qui sommeille en toute âme. Ça force le mec tout bas avec des cams tout calme. Garde mes paires usées pour me rappeler d'où je viens. Je fais pas de puckly rempli de bijoux dorés. Les points tu plaides la kleptomanie quand ils se font juger pour bisous voler. La kyoba te tue toi devant tes enfants, ils t'en veulent, ils aiment pas trop ta peau. Ils veulent nous enfermer avec le mafou bavard de colère, j'crie ma canne qu'au sapot. Je vais te briefer les bases, tu veux ficeler des pages. Ils vont kiffer les tasses, mais vont citer les blases. À l'appui des messages, toi qui visais les plages, tu vas griffer les cages et faire siffler l'étage. Oh oh oh non, pour être dans la ville, on s'est dit qu'on aurait peut-être le monde. J'ai des refs frérot, j'tarde le soir qui m'appelle en visio. M'envoie visère des mecs en permis, font leur peine sur un coup. Tchawam, il était pas tard, j'fumais de la white widow. Quand j'ai eu cette vision, on va se refaire sur un coup. Tu peux me croiser déchiré sur l'inté dans un coup. En train de refaire un flash, raconte des blagues aux Yankees. J'préfère que tu me démarres en face, mes potos, fais pas le four. Biffes armes sur son phone, il écoute ce que les gens disent. T'as pris la confiance, t'as cru il est gentil. Ouais, mais 10 minutes après, y'avait du sang dans tout le hall. Rage dedans au placard, mets de la coupe sur tes gencives. 9 trompons, tu dans la tête comme dans un ballon de football. En ce moment, le bénéf commence à avoir un coup de tôle. T'arrives plus à dormir, tu dis que t'as peut-être laissé tes poiluches. Smarly l'a mis hier, j'avais bu un coup trop. Tout le monde en parle au quartier, j'ai encore fait du grabuge. Ouais, ma gueule, y'a des queues trues à faire partir. Ramène-moi des gens, tu vas gratter ta pièce. J'accompagne mon gars faire Yankee sur Paris. Quand tu montes pas de CLM, je vais cacher ma tête. J'ai vu un Schmitt faire coucher, j'ai mis j'aime. Sanissa, j'ai des frigos du 8ème. Si tu me vois me faire en kebab, rappelle ma daronne et dis-lui que je suis parti en week-end. Oh, oh, oh, non.